agacés par les grandes surfaces, les vikinges sont sur les nerfs. Ils décident donc de vendre par eux-mêmes, et ce, sur une base de 2 SLUX, leur célèbre tractopop. Sur les nerfs.